Qu'est-ce que ça veut dire? On me dit que j'ai une voix d'arbre, mais personne ne m'explique. On me dit que j'ai une voix d'arbre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. On me dit que j'ai une voix d'arbre, mais personne ne m'explique. On me dit que j'ai une voix d'arbre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. On me dit que j'ai une voix d'arbre, mais personne ne m'explique. On me dit que j'ai une voix d'arbre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. On me dit que j'ai une voix d'arbre. J'ai téléphoné à ma sœur aînée. Elle m'a dit que ma mère est morte sous un cancer du col de l'utérus qui s'est généralisé. Je trouve que ce col de l'utérus fait penser à quelques sommets à franchir. Mais pour gagner la mort, au sommet, arrivé à l'acné, c'est la mort. Je songe au cygne et au chant du cygne, là-haut sur ce col, battu par le vent froid. Elle gravit la montagne, elle a bientôt 39 ans. Elle monte. Nous, ses enfants, on tente de la retenir. Elle est obligée de nous repousser. Il le faut. Elle monte. Elle quitte la plaine où nous sommes nés, où elle a rencontré l'amour et la peine, le sang et le lait. Elle monte. Je suis le plus petit. C'est moi qui insiste le plus pour qu'elle reste, pour que je vienne avec elle. Tout là-haut, je vois le col. Mon Dieu, viens m'aider. Je vais derrière maman qui monte au ciel. Elle se retourne et je lui demande de me prendre dans ses bras. Au moins une fois, elle se tourne vers le ciel pâle. Elle cherche une réponse. Elle me sourit. Elle me prend dans ses bras et caresse mes cheveux. Mais part à nouveau. Je lui jette un petit caillou pour attirer son attention ou pour la tuer moi. Plutôt que dans l'ascension, elle meurt sans moi. Avec elle pour mourir ensemble. Ou peut-être qu'elle s'est retournée. Elle n'avait plus de bras. Et on se regardait impuissants tous les deux. Et je ne pouvais pas lui demander ce que je lui demanderais maintenant. De me donner tout son être par ses yeux. Puisqu'elle n'avait plus de bras. Donne-moi tout de toi que je te garde ma mère. Elle a repris l'ascension peut-être que le jour a décliné. Moi bien que j'ai marché derrière elle longtemps, je n'ai pas pu quitter la plaine. Je levais les yeux et par moments je la voyais comme flotter sur la pente et puis je me suis endormi. And I saw, and behold, a white horse.